Ok, c'est charismatique, les frères de la rue, Farafine. Ok, ok, je traîne dans la street, avec les boys de off the street, que des braves purent rapper. Augmente le volume, on vit le là-bas haute. Ok, MC, qui se la pète, qui se raconte, qui veut riposte, mais c'est qui les bitches? Ça scanne et gros des coups de beat. Comme Malcolm, vrai bonhomme, imite Biggie ou Snoop Doggy Dogg. Ma foi à la fois, c'est le temps de me battre, péter les fils et péter les wacks. Mais qui ils sont pour nous faire taire, pour nous juger aux assises, prends la mise. Sans thune, sans rancune, sans borne, j'ai les purs. J'balance ma haine, chaîne de rumeurs. On va caler les bites, les fils de pute. Ce que je ressens, tu sens. Espère en vigre avant mes temps. Avant mes temps. Hein, mes ascars, hein, dis-moi, qui ils sont? Qui ils sont? Ces gens sont celles qui parlent de nous. Je sais pas qui ils sont, mais la plupart sont des jaloux. Laisse-les parler, on s'abrite sous nos rimes. Moi ça me fait marrer, trop de cailles égarées. Ils sont ces gens sans cesse qui parlent de nous. Je sais pas qui ils sont, mais la plupart sont des jaloux. Laisse-les parler, on s'abrite sous nos rimes. Moi ça me fait marrer, trop de cailles égarées. Dis-moi qui sont ces gens qui me regardent bizarre. Qui veut que mes rêves se transforment en cauchemar? Qui veut la paix? Qui veut la guerre? Qui veut le respect? Qui veut le pouvoir? Qui veut laquelle? Qui est responsable du 11 septembre? Qui a dit que c'est danger d'aider l'islam s'étendre? Qui sont les victimes du palu? Les victimes du sida? Pourquoi on n'en parle plus? Qui veulent détruire nos tours et bâtiments? Qui sont ceux qui se repentissent pour esquiver le châtiment? Qui vote Sarkozy au lieu de Ségolène? J'porte la gauche dans le cœur, au cœur c'est collé eux. Qui sont venus pour dévaliser l'Afrique? Qui ont pris le micro juste pour la frime? Qui me boycotte le label charismatique? Frère de la rue, ma clique, c'est trop dramatique. Les visages changent, le temps passe, la route tourne du mauvais côté. Trop de drames, trop de calme, trop d'âmes perdues entre la vie et la mort, les larmes fusent comme les bastos tirés à tort ou à travers du bitume flashé par la jalousie des faux frères. J'suis mort, alors enterre-moi, bâtard. Qu'on en finisse. Qui sont ces gens sans cesse qui parlent de nous? Je sais pas qui ils sont, mais la plupart sont des jaloux. Laisse-les parler, on s'abrite sous nos rimes. Moi ça me fait marrer, trop de cailles égarées. Ils sont ces gens sans cesse qui parlent de nous. Je sais pas qui ils sont, mais la plupart sont des jaloux. Laisse-les parler, on s'abrite sous nos rimes. Moi ça me fait marrer, trop de cailles égarées. Tête baissée, on a l'air d'avoir la dalle. Souvent au casse-pipe, les mains dans la merde. À court d'idées, bourré de vis, on est jeune, on échoue. La rue nous tend la main, on tente le tout pour le tout. C'est qui tout doux, suit le rythme ou reste à la traîne? C'est pas un jeu, c'est trop dangereux. C'est la rue, on s'exprime, mais qui sont-ils pour prendre la vie à nos frères? Attentat, suicidaire, attends-toi, c'est la guerre. Les années avancent, toujours la même sentence. Les étrangers mis à part dans ce pays de merde. On lève le peine au bûcher, Nicolas crucifié. Ils nous parlent d'amour, ils nous parlent d'amitié. Ils disent clandestin, mais nous on combat pour l'avenir de nos prochains. Cette putain de France qui n'a aucune reconnaissance. Je te parle du berceau dans la rue, tu me parles de ce pays qui est en manque d'écu. Moi je te parle de mes frères détenus. Pourquoi cette haine envers les immigrés? 14 ans perdus, on n'a pas oublié. Ils disent liberté, ils disent égalité, mais nous on dit que ce pays n'a aucune dignité. Qui sont ces gens sans cesse qui parlent de nous? Je sais pas qui ils sont, mais la plupart sont des jaloux. Laisse-les parler, on s'abrite sous nos rimes. Moi ça me fait marrer, trop de cailles égarées. Ils sont ces gens sans cesse qui parlent de nous. Je sais pas qui ils sont, mais la plupart sont des jaloux. Laisse-les parler, on s'abrite sous nos rimes. Moi ça me fait marrer, trop de cailles égarées. 2007, les frères de la rue. L'école ou la paresse? Qu'ils sont, tôt ou tard tu le sauras. Tu le sauras, frère. T'inquiète pas, frère. Ok, Inch'Allah. NGH, DJ Swag. T'inquiète pas, frère de la rue, 2007. Charismatique, bop, bop. Charismatique, bop, bop, bop, bop, bop.